Si vous venez à Cannes pour la première fois, il y a ici deux ou trois choses à savoir pour éviter ce genre de situation. Action ! Cannes, c'est d'abord une ville qui se transforme, une affiche omniprésente qui donne le coup d'envoi de 10 jours hors normes. 200 000 personnes déambulent alors à Cannes, c'est trois fois la population habituelle. Pour assurer leur sécurité, 550 caméras de surveillance, 300 jardinières en béton pour éviter toute attaque à la voiture bélier, et puis 80 citoyens qui vont se fondre parmi les badauds pour être les yeux et les oreilles de la police. Cannes, c'est aussi un rassemblement de tout le secteur du cinéma, des distributeurs, des producteurs, des acteurs, des réalisateurs du monde entier qui viennent ici pour le marché du film. On y trouve des projets à acheter ou à financer. Au total, 4000 films sont en vente pour un chiffre d'affaires $1 milliard en seulement 10 jours. Mais Cannes, c'est avant tout la passion du cinéma. 60 films sélectionnés, 19 en compétition officielle et au final, une seule palme d'or. À vrai dire, deux palmes d'or sont confectionnées juste au cas où. Pour chaque projection, une montée des marches. Pour chaque montée des marches, il faut changer le tapis rouge. Au final, ce sont près de 2 km de tapis rouge qui sont utilisés pendant le Festival de Cannes. Après tout ce cérémonial, il n'y a plus qu'à s'installer confortablement dans son fauteuil et à profiter du film.